Thank you. ceux des mains, ce n'est pas mieux. Je ne les trouve pas merveilleux. Je leur mets un peu de vernis. Qui sèche, qui sèche, qui sèche. C'est beaucoup plus joli. Ouais, mais comme ça sèche, ça sèche, ça sèche. Je leur mets un peu de vernis. Qui sèche, qui sèche, qui sèche. C'est beaucoup plus joli. Mais faut que ça sèche, ça sèche, ça sèche. Petit séjour en bord de mer, mais n'importe que le nécessaire. J'ai passé la semaine au motel, il ne me faut que peu d'affaires. Trois jours passés, il faut l'admettre, je n'ai plus grand chose à me mettre. Il faut maintenant que je m'active, il est grand temps de faire une lessive. Des grimaces des yeux, des clowns un peu bêtes qui vont toujours. voyais un peu. Et je relevais la tête pour qu'on m'entende mieux. À deux casse-noisettes, c'était comme un jeu. Ce n'était pas la fête tous les jours pour mes vieux. Je roulais des yeux, prête à faire la fête, tout était joyeux. J'ai hurlé à tue-tête, ma joie d'être un mien.